Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercient de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. On va parler des Jeux olympiques de Pyeongchang. Toute une nouvelle hier qui est survenue, le comité olympique qui a suspendu pour les Jeux de Pyeongchang les athlètes russes suite aux différents cas de dopage qui sont survenus aux Jeux olympiques de Sochi en 2014. Et il était là, Sochi. Il couvre également le sport amateur pour la presse canadienne. C'est notre collaborateur Frédéric Degg. Salut Fred! Oui, bonjour Danny. Fred, effectivement, donc surpris dans le cas? Moi, je suis surpris, excuse-moi l'expression, je suis surpris du culot du Comité international olympique. Je pensais pas qu'on aurait le courage de bannir la Russie des Jeux olympiques. Je pensais vraiment qu'on était pour trouver une solution bonbon, c'est-à-dire une sanction bonbon pour jeter de la poudre aux yeux, faire semblant là de sanctionner la Russie. Je ne pensais pas qu'on bannirait la Russie des Jeux olympiques. Moi, je trouve que le CIO, hier, a démontré le courage qu'il devait démontrer dans la situation. OK. Mais Fred, est-ce que tu es d'accord avec moi que c'était comme pris entre l'arbre et les courses? Hein? C'était pas facile parce que d'un côté, tu vas avoir toute la réputation, la crédibilité du CIO. Et de l'autre côté, c'est là, j'ai hâte de voir quelles seront les répercussions sur les commanditaires, sur les télédiffuseurs. C'est parce que déjà NBC qui était pas NBC qui avait déjà payé le gros prix n'auront pas les joueurs de la Ligue nationale, donc ça doit certainement pas faire leurs affaires. Et là maintenant, t'as les athlètes russes qui ne seront pas là. J'ai hâte de voir quelle sera la suite des choses. Puis c'est tout qu'un coup, là. D'un côté ou de l'autre, ça n'aurait pas fait l'affaire d'un bord ou l'autre. Ouais, moi je pense que dans un premier temps, oui, le CEO se retrouvait peut-être pris entre l'arbre et les corps. Dans le sens où la Russie, c'est un joueur majeur du mouvement olympique, sauf que la Russie s'est moquée de l'intégrité du mouvement olympique, justement, depuis au moins les Jeux de Sochi, si ce n'est pas plus loin que ça. Alors, de ce côté-là, le CIO se devait de réagir avec force, et il l'a fait. Maintenant, le volet, bon, des télédiffuseurs, des commanditaires, moi, je pense que des télédiffuseurs comme NBC, des commanditaires, disons, comme Coca-Cola ou les autres, là, pour ne pas les nommer, s'associent au mouvement olympique parce que ça représente également un espèce d'idéal, justement un mouvement qu'on souhaite intègre, qu'on veut égal pour tous les athlètes. On veut que tous ceux qui participent au jeu aient une chance égale de gagner, qu'il n'y ait pas de tricheur. Et moi, je pense que dans ce sens-là, la décision prise hier par le CIO ne va être qu'applaudie par ces gens-là. Okay. NBC avait déjà mis son pied à terre en disant à la Ligue nationale de hockey et NBC et le partenaire américain de la Ligue nationale leur avait dit « Vous voulez pas être au jeu, c'est bien parfait, mais nous autres, pendant 3 semaines en février, on s'occupe des Jeux olympiques, il y aura aucun match de la Ligue nationale qui va être présenté sur nos ondes. On dédie cette case horaire, cette plage horaire-là aux Jeux olympiques. » Alors NBC, là-dessus, s'était montré, pas favorable, mais en tout cas, avait appuyé le mouvement olympique et la Fédération internationale de hockey sur glace dans ce sens-là. Alors, moi je pense que ça va être perçu de la bonne façon. Moi, personnellement, moi, je pense qu'il y a des gens au sein du Comité international olympique qui doivent avoir peur que quelques squelettes sortent de leur placard. Là. Moi, je ne pense pas que la Russie va laisser passer ça sans réagir. Mais en tout cas, allons voir. Là, ça, c'est des spéculations personnelles. Une chose, par contre, en Russie, évidemment, les Jeux, là, ça va faire mal. Le télédiffuseur national de Russie a déjà annoncé hier qu'il ne présenterait pas les Jeux olympiques. Ouf. Là, c'est de bonne guerre, à un moment donné, si ton pays n'est pas représenté, même si certains athlètes russes pourront concourir sous drapeau neutre. Mais tu sais, si jamais gagner une médaille d'or, ça va être l'hymne olympique qui va jouer, ce ne sera pas l'hymne russe. Alors, moi, je pense que c'est de bonne guerre. Là, il va y avoir des répercussions en Russie. Il y a peut-être des commanditaires russes qui vont se retirer de l'aventure. Mais je pense qu'à l'international, moi, l'opinion de la plupart des comités olympiques nationaux, c'était qu'on devait sévir contre la Russie. Je pense que cette décision-là va être bien prise. OK. Maintenant, tu l'as mentionné, la Russie, là, on attend évidemment Poutine qui devrait faire une déclaration aujourd'hui là-dessus. Faut savoir que là-bas, en Russie, c'est tout que... Écoute, les Jeux olympiques, c'est quelque chose, là. C'est, d'après toi, est-ce que tu l'as effleuré un peu? Tu penses qu'il y aura des... la Russie va sortir peut-être des squelettes? Ben, moi je pense que la Russie va vouloir venger cet affront. On a parlé d'humiliation hier chez les autorités russes. Moi, je pense qu'on va vouloir venger ça. Maintenant, le Kremlin, en tout cas, j'ai, là, au moment où on parle, mercredi matin, 10h30 de nous, j'ai pas... Il n'y a aucune déclaration de sortie à l'heure actuelle, Fred. Je suis sur les... C'est ça, bon. Alors, ouais. Alors, il n'y a rien eu. Ça, c'est signe que à un moment donné, on prend acte et on est obligé, là, on ne peut plus nier. Là. À un moment donné, ça fait... près de 2 ans que la Russie nie en bloc ses allégations, ses accusations, maintenant qu'on peut dire. Et là, le Kremlin n'a pas nié en bloc hier, pas plus que le Comité olympique russe. Alors, à un moment donné, il y a comme une prise de conscience, là, je pense, qui se prend. Je pense qu'il va y avoir une réaction officielle, c'est bien sûr, mais je pense qu'on est en train de s'assurer qu'on la fasse de la bonne façon, parce que là, là, ce qu'on veut éviter maintenant pour la Russie, parce que souviens-toi, là, aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro, le CIO s'est un peu lavé les mains en laissant l'odieux aux fédérations sportives internationales de décider du sort de la Russie. Okay. Aux Jeux paralympiques de Rio, la délégation russe a été bannie. Là, elle sera sûrement encore bannie des Jeux de Pyeongchang. Là, ça fait 2 Jeux que les athlètes paralympiques russes ne pourraient pas aller. On ne veut pas vivre la même chose pour les athlètes olympiques. Là. Je pense que la Russie va prendre acte et va s'arranger pour pouvoir retourner dans le giron olympique. On ne voudra pas être exclu comme ça pendant des années. OK. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que la suite des choses maintenant, est-ce que tu penses que d'autres pays, parce que là, c'est la Russie qui est visée, mais regarde, on ne se compte pas d'histoire, là, il y a des cas de dopage, il y en a partout, pas juste la Russie. Est-ce que tu penses que ça va être un sérieux avertissement, puis là, les gens qui disent, ouais, ben là, écoute bien, là, on peut pas faire ça, là, il y a des gens qui vont marcher les fesses serrées? Ben, oui, écoute, tu as raison, il y a des cas de dopage dans tous les pays, mais est-ce qu'il y a des cas de dopage systémique promu par l'État comme ça dans d'autres pays? Peut-être. Mais pour l'instant, en tout cas, je pense qu'on vient de mettre à jour tout un système de dopage. Et je pense que c'est ça là, qu'on va être en mesure d'enrayer. Le dopage, il va toujours y en avoir au niveau individuel, peut-être au niveau de fédération nationale. Mais ça, l'Agence mondiale antidopage fait déjà un travail remarquable, je pense, là-dessus. Regarde, 10 ans après les Jeux de Pékin, il y a encore des athlètes qui sont suspendus, des médailles qui sont réallouées à d'autres athlètes. Même chose pour les Jeux de Londres. Il y en a eu quelques-uns, pas beaucoup aux Jeux de Vancouver, 1 ou 2, je pense. Ouais. Et maintenant, les Jeux de Sochi aussi, là. Écoute, c'est près du tiers des médailles remportées par la Russie qui avaient terminé au sommet du classement des médailles qui ont été retirées à ces athlètes-là maintenant. La Russie n'est plus au premier rang tableau des médailles des Jeux olympiques de Sochi. Alors, je pense que l'Agence mondiale antidopage fait son travail. Maintenant, heureusement qu'il y a eu des enquêtes comme celle de Richard McLaren et de la télévision allemande qui ont mis au jour ce système mis en place par l'État. Et peut-être que ça, cette sanction imposée à la Russie, ça va peut-être ralentir les ardeurs de certains autres pays qui songeaient à tricher de la sorte. OK. Là, il va y avoir toutes sortes d'histoires. Là. Écoute, ce qui nous intéresse, c'est sûr que ça a perdu beaucoup, beaucoup de son lustre parce que les joueurs de la Ligue nationale ne sont pas là, mais on pensait qu'avec la KHL, on disait, ben, en tout cas, ça va être moins pire que ça a déjà été. T'sais, la KHL, c'est quand même entre la Ligue américaine et la Ligue nationale, comme calibre, si on peut dire. Là. Est-ce que tu penses que qu'est-ce qui va avec la KHL? Ça aussi, ça va être la chose à surveiller parce qu'il y a quand même plusieurs joueurs. Même des joueurs canadiens, tu sais, un gars comme Maxime Talbot évolue dans la KHL. Qu'est-ce qui va arriver, là? Ouais, ben là, je pense que moi, c'est 2 dossiers séparés. Là. Ça va dépendre si la KHL autorise les athlètes qui sont sous contrat avec la KHL à participer aux Jeux olympiques. Okay. Parce que le CIO n'empêchera aucun athlète russe qui est en mesure de démontrer qu'il est propre de participer aux Jeux. Alors, est-ce que... là, le nom m'échappe, là, mais la communauté des athlètes russes, là, ou je sais pas quel nom le CEO y a donné, s'ils sont capables d'envoyer 25 athlètes russes, je te donne un nom, Andrei Markov, qui a été testé par la Ligue nationale au cours des dernières années, s'ils sont capables de trouver 25 gars de cette façon-là, capables de prouver qu'ils sont propres, je vois pas pourquoi la Russie ne pourrait pas, la communauté des athlètes russes, là, on s'entend, ne pourrait pas envoyer une équipe de hockey dans le tournoi. Là, si la KHL décide de faire comme la Ligue nationale en protestation à cette décision du CEO de dire, ben, nous autres, on n'autorisera pas nos athlètes à y aller, ben là, qu'est-ce que tu veux? Et ça empêchera aussi les autres. Ça sera des dommages collatéraux comme Maxime Talbot et les autres joueurs canadiens ou américains qui évoluent dans ce circuit-là, qui ne pourront pas finalement prendre part aux Jeux olympiques. Donc, c'est une victoire. On voyait hier les commentaires d'Alex Harvey. On voyait tout le monde semblait vraiment unanime. On est vraiment content. C'est une belle victoire à quelque part parce que, tu sais, il était vraiment, là, tu sais, d'un côté ou de l'autre pris au piège. S'il punissait les Russes, comme on a fait hier, tu te prives quand même d'une nation les plus importantes, une des top 5 de CEO. Mais d'un autre côté, tu te prives peut-être aussi de revenus supplémentaires parce que j'ai l'impression que ça va grincer l'autre bord. Donc, c'était toute qu'une décision à prendre. Il fallait avoir du cran là-dedans. Là. Ben oui, il fallait. Oui, c'est ça qui me surprend le plus, le cran du CEO. Mais un gars comme Alex Harvey, je le comprends d'être heureux de ça. Écoute, il y a deux fondeurs russes là, dont le nom m'échappe, là, okay. M'excuse, là, qui ont été condamnés pour dopage. Mais la Fédération internationale de ski juge qu'ils ont terminé leur sanction et ils peuvent participer à la Coupe du Monde, même s'ils sont interdits de participer aux Jeux olympiques. Tu sais, c'est, à un moment donné, là, pour un gars comme Alex Harvey, c'est deux médaillés des Jeux de Sochi, si je me rappelle bien, qui ont perdu leur médaille en plus, ces gars-là. Ils sont bénis des Jeux, mais ils peuvent prendre part à la Coupe du Monde. Pour un gars comme Alex Harvey, là, qui finit souvent sur le podium ou pour router dans le top 10, d'avoir des gars de même qui semblent, là, écoute, je le comprends d'être heureux de cette décision-là. Et puis, il doit en avoir un paquet d'athlètes qui sont heureux aujourd'hui. Heureusement qu'il y en a des gars comme Alex Harvey qui ont le courage de dire sur la place publique. Mais c'est fabuleux pour ces athlètes-là. Ça n'a juste pas de bon sens. Et ils vont en avoir encore des tricheurs. Mais au moins, là, avec cette décision du CEO et les dispositions de l'Agence mondiale antidopage qui stocke les échantillons collectés lors des Jeux pour une période de 10 ans, ben c'est ce qui permet, en 2016, d'enlever des médailles gagné aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, puis quelques années plus tard à Vancouver, puis ensuite à Londres et là, de découvrir le poteau rose de Sochi. C'est fabuleux. Fred, en terminant, tu es de la presse canadienne, mais tu participes à une émission sur le web qui s'appelle Les Columnistes sur le site Punching Grace. Et lundi, vous avez avancé quelque chose qui aurait moins de billets de vendus pour le match entre les Cards et les Jays au moment où on se parle. Et ça s'explique vraiment, là. À quelque part, les matchs vont être le lundi et mardi. Il y a également l'aspect que les gens commencent à en avoir le bol, un peu comme à Québec avec les matchs au concours du Canadien. Si on a 25 000 personnes pour les matchs lundi-mardi, tu sais, un gars des régions comme moi, on oublie ça, là, je serai pas là, je vais pas même acheter, mais on sera pas là, là, je serai pas là. À quelque part, 25 000 personnes, ça peut être considéré comme un succès. Ben, moi je le prétends depuis le début, c'est mon confrère Jérémy Filosa qui a participe également aux columnistes là, sur punchinggrace.com qui nous disait ça, que les ventes iraient moins bien. Évidemment, Evenco ne donne jamais de chiffres. Moi, c'est ce que je prétends depuis le début, depuis qu'on a annoncé que les matchs auraient lieu les lundis mardis. Écoute, si on a 25 000 personnes par soir pour deux matchs de semaine, c'est un succès, là. C'est un franc succès. Deux matchs préparatoires à 25 000 personnes, un lundi puis un mardi, ça envoie un message aussi fort au baseball majeur que d'avoir 45-50 000 personnes un vendredi puis un samedi. Okay. Moi, je persiste à croire que c'est le chiffre que Evenco, mais aussi que le groupe d'hommes d'affaires là, dirigé par Bronfman ont en tête pour ces matchs-là. Et puis, inquiétez-vous pas, là, il va y avoir 25 000 personnes par soir. Moi, je suis convaincu qu'on va trouver des acheteurs pour ces billets-là. On est au début décembre. Les matchs ont lieu à la fin mars. Je suis convaincu que dans les trois prochains mois, on va voir un blitz. On en parlait cette semaine, on voit pas de publicité. Ben, on commence à en voir hier dans le match. Après le match du Tricolore sur RDS, il y avait une pub d'Evenco pour mousser ces deux matchs préparatoires des Blue Jays. on va commencer à en avoir de plus en plus. Fred, je reviens sur sur l'histoire des Olympiques, une dépêche qui vient de nous sortir à l'instant même. Le président russe Vladimir Poutine affirme que son pays n'empêchera pas les athlètes de prendre part aux Jeux Olympiques. Ben, vois-tu, là, tu vois, là, alors, on est... tu sais, les sept phases là, d'acceptation, là, on vient de passer le déni, là. Ouais. Le déni est terminé, on est rendu à l'autre ensuite, là. Et ce que, à ce moment-là, Vladimir Poutine répond positivement à l'appel de Thomas Bach, le président du CIO, hier, qui avait enjoint la Russie de ne pas boycotter les Jeux, comme ça s'était vu dans le passé. Mmh. Un boycott généralisé, ça ne fait que pénaliser les athlètes propres de sa propre nation qui voudraient quand même prendre part et qui sont en mesure de prouver qu'ils sont dignes de foi, dignes de confiance pour participer aux Jeux. Alors, je pense que en ce sens-là, Vladimir Poutine répond favorablement à l'appel de Thomas Bach et, évidemment, à l'appel de ses propres concitoyens qui sont en mesure de prouver qu'ils ne sont pas dopés et qui voudraient participer quand même à ces Jeux olympiques. Faut pas oublier là, que ces athlètes-là, là, les athlètes propres de la Russie, là, ils consacrent leur vie et leur moment de gloire, c'est de participer aux Jeux olympiques. Tu veux pas les en priver. Non, puis pas juste ça non plus, Fred. J'imagine, parce que là, c'est une Pyeongchang. On parle juste de Pyeongchang pour le moment. Là. J'imagine que si tu veux réintégrer le mouvement olympique, tu sais, tu commenceras pas à faire les gros bois. Là, il faut enterrer la hache de guerre. Oui, effectivement. Entre la Russie et le CIO, il faut que la Russie trouve une façon de reprendre le dialogue et de prouver qu'elle est de bonne foi et qu'elle va envoyer une délégation propre, soit à compter de Tokyo. Hey, on le souhaite, là, c'est aux Jeux olympiques là, de Rio, de ne pas avoir de délégation russe en athlétisme, là. Ça fait mal au jeu, là. Ça fait mal au jeu. Alors, tu sais, écoute, c'est... Bon, si la Russie, là, fait son bout de chemin, le CIO va faire le sien. Mais il faut que la Russie fasse le sien. Je pense que le premier pas a été fait hier en cessant de nier qu'on avait mis en place le système de dopage. Et aujourd'hui, quand Vladimir Poutine signale qu'il ne boycottera pas les Jeux de Pyeongchang, je pense que là, on est dans la bonne voie. Ouais. Fédéric de la presse canadienne, on file tout le temps et on invite encore les gens à aller sur le site PotchingGrace.com. C'est le site Les Columnistes, une émission qui est enregistrée le lundi, qui est en ligne à partir du lundi avec toi et avec l'excellent Jérémy Filosa du 98.5 et Tony Marinaro de TSN Radio. Oui, et Jonathan Gay également du 91. Effectivement. Donc Fred, on se reparle très très bientôt. Il va y avoir la revue de l'année dans le temps des fêtes, donc on se reparle à ce moment-là. Absolument, merci Fred Degg, la presse canadienne.